Je voulais te parler depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est bien le moment. Tant pis si je le dis maladroitement. Ben voilà, je t'aime bien. Chaque fois que je te vois dans l'embarras, j'aimerais pouvoir te sortir de là. Et bêtement, je pense que ça t'aidera si je te dis je t'aime bien. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Quoi? Bah, il fait chaud. Quand des fois tu fais une tête comme ça, y'en a d'autres qui se moqueraient de toi. Aimez-moi si je suis la seule qui ne rit pas, c'est parce que je t'aime bien. Capucine, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. T'as dû voir que si je te parlais pas, j'étais toujours là quand t'étais là. Alors je me disais, elle comprendra que moi aussi je l'aime bien. Un jour tu m'as appelé mon lapin. Ça fait rigoler les copains. J'ai vu dans tes yeux un peu de chagrin. Et depuis, qu'est-ce que je t'aime bien. Oh, Casimir. Oh, Capucine. Quoi? Ceux qui pourraient te voir maintenant diraient qu'elle a une tête d'enterrement. Mais moi je sais que t'es heureuse en dedans, parce que je t'aime bien. Casimir, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. La première fois, ton nom m'a fait rire. Et pourtant, ça me ferait rudement plaisir d'appeler notre premier fils Casimir, parce que je t'aime bien. À propos, je te l'ai jamais dit, mais moi qui ne suis pas dégourdi, ben, j'ai fait des rêves un peu hardis, parce que je t'aime bien. Oh, Casimir. Oh, Capucine. Quoi? Ben, là j'ai chaud. Mais tu vois, en réfléchissant bien, quand je dis que c'est à toi que je tiens, c'est pas tellement parce que je t'aime bien. C'est pourquoi alors? C'est parce que je t'aime.